Ok Google, quelle est la meilleure émission? C'est Sbazi Radio tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur hashtag. Bonsoir. Coucou tout le monde. Il est 18h, on est là jusqu'à 19h. Yes, c'est pas du tout préparé ça, on est vraiment en improvisation si. Total. On est là de 18 à 19h tous ça les dimanches. Ça va Esther? Ça va et toi Hugo? Ça va tranquillou, hein. On termine le week-end tranquillement. Patiemment, voilà, détente, hein, bah oui, dire. En détente, bah oui. Détente jusqu'au bout. Hop, oui. On va partager vite fait sur les réseaux sociaux. Wesh, les zizou, nous dit Bastien. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? T'as eu une révélation? Non, mais c'est vrai. Attends, quand j'ai dit on va partager sur les réseaux sociaux, il y a le compte Twitter maintenant. Et oui, ça s'affiche à l'écran? Oui, ça s'affiche ou pas? Ah, attends, non. Ah merde. Heureusement, tu me l'as dit, voilà. Voilà. Nickel. Donc ça affiché, c'est Sbazi Radio sur tous les réseaux, quoi, sur Twitter et Instagram. Voilà. Hello. Ah, si je te laissais présenter le programme aujourd'hui. Ah bah oui, ça me plairait. Allez, vas-y. Bonne entrée en la matière cette semaine. Oui, c'est, je crois que c'est le meilleur début qu'on a fait. Bah, pour l'instant, bon, attends, il n'y a pas de problème technique. Hein. Non, vous nous entendez bien? Non, c'est pas cette souris, Esther, c'est merde. Celle-là. Celle-là, tu me défonces tout. Attends, je clique là. C'est compliqué, hein. Comment je fais pour... Esther et l'informatique. Ah, c'est bon. Ah, voilà. Je commence par la fin. Voilà, alors on va terminer par quoi? Bah, on terminera par n'oubliez pas les... Qu'est-ce que ça fait? Je casse tout. J'ai eu tellement peur. Alors, on va terminer par le n'oubliez pas les paroles, comme chaque semaine, que vous aimez tant. Il y a trois chansons. Ensuite, Attends, deux chansons françaises et une anglaise. Et une anglaise, oui. D'ailleurs, il a mis 12 mots pour une chanson. Voilà quoi, ouais, ça va être dur. On a fait un peu plus compliqué. Oui, est-ce que je dis les chansons qui passeront en entière ou pas? Non, on ne dit pas. Okay. Ah, non, ça le montre fermé. Ok, ensuite, bah, on blablatera de la semaine. Donc, en fait, on n'avait pas de terme particulier. Du coup, on s'est dit qu'on blablatera sur un peu tout. Donc, il y a les Spice Girls, le retour. Et ensuite les NMA, donc les Awards. Il y en a encore d'autres trucs, oui, hein, plein vous allez voir. Donc voilà ce qui s'est passé cette semaine. Ensuite on fera les journées mondiales un petit peu drôles ou même pas drôles des fois de la semaine. Oui, elles sont pas forcément drôles. Hein. Les journées mondiales de la semaine, voilà. Voilà. Elle oui. sait très bien inventer le programme, elle. Bah, oui. Alors les journées drôles mais pas drôles, mais en fait on sait pas trop. Ensuite il y aura ma petite minute Ariana qui durera un peu plus d'une minute parce que bah, ça a été une semaine productive pour elle. Productive. Oui. Ouais. Voilà, Hugo. Ensuite, on fera nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine, comme d'habitude. Et ben voilà. Ben voilà. Et ben voilà, c'est tout. Et ça commence sur les coups de cœur et les coups de gueule. Eh oui, attends, hop. Parce que je suis pas prêt. Ah oui. Tu annonces. Désolé, c'est Hugo. Parti pour les coups mais de gueule, coups de cœur, tout ça. On commence par les coups de gueule, oui, d'abord. Mais je ne suis absolument pas prêt, tout simplement, parce que je n'ai pas tout ce qu'il me faut devant moi. Et attendez, par contre, pour les journées mondiales, on a bossé un peu plus le truc. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'espère que vous serez contents quand même qu'on ait bossé un peu plus. Oui, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on commence à l'heure, en fait. Oui, ah ouais, c'est vrai ça. Je crois qu'on va le noter, ça va pas arriver souvent. Grave, tout va bien, aucun problème. Oui, championne de l'informatique, salut, pas vraiment. Salut Tom qui nous a rejoint. Hello, salut Tom. Jenny. C'est... Ah, juste à poser, d'accord. Prolifique, c'est ça? Non, produit. Hein? Ben. Prolifique, ouais. Je crois qu'on va apprendre bref. Des nouveaux mots encore. Je compte ce soir. Sur vous pour me faire rire, JPP, je suis dans la tristesse. Il n'y a pas de souci, Tom, tu peux Écoute, compter sur nous. On termine le week-end, on profite des derniers moments oui. où on peut. Bah, du week-end, où voilà. on est en week-end avant la prison, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on est grave dans le mood de Noël en fait. Ouais, ça va d'ailleurs, arriver bah, très je rapidement. Vais, je... Vas-y, je l'annonce. Explique ce qu'on alors, va faire. Alors, explique toutes les spéciales qui arrivent. Vas-y, mets-moi. Donc. La semaine prochaine, on sera le 18 novembre, il y aura une émission normale. Voilà. Le 25 novembre, une émission normale aussi. Et le 2 décembre, il y aura l'émission spéciale donc, de chaque année. Vous choisirez l'année, donc on vous fera voter ben, la dernière. Le 25. Le 25 novembre, on vous fera voter quelle année vous voudrez qu'on fasse l'émission spéciale. Donc voilà. Ah oui, prolifique, ça veut dire qu'il produit beaucoup. Ah, voilà, ben elle était prolifique, Ariana. Voilà. Voilà, et ensuite, le 9 décembre, une émission normale, mais on ajoutera une chanson de Noël, N'oubliez pas les paroles. Une petite touche de Noël, par voilà. par là. Et ensuite, le 16 décembre, ce sera l'émission spéciale Noël, parce que le 23 décembre, on sera pas là. Donc voilà, ce sera le 16 décembre, on se quittera sur un joyeux Noël. Et le 30, peut-être. Ensuite, le 30 décembre, on pense faire une émission jour de l'an, etc. Spécial, on fera un ouais, peu voilà. comme si c'était le jour de l'an, le 30. On fêtera le jour de l'an deux fois. Une fois avec vous et une fois... Bah, exactement. Voilà. Le 25 novembre, ce sera Thanksgiving. Ah ben oui, on pourra en parler ça. Même si on le fait pas en France, tu sais ce que c'est ou pas? Ça me dit un truc. Oui, mais tu sais, les Américains, ils fêtent ça. La fête, ils mangent de la dinde et tout. Je crois savoir à peu près ce que c'est, ouais. Ça me dit un truc. J'en ai déjà entendu parler. Dis papa, peut-être pas celle-là, mais on verra. Voilà. Est-ce que. Ah non, on a oublié de dire un truc. Les replays sont. Parce que la semaine dernière, bon, bah forcément, le replay était bloqué sur YouTube. Ah, ça fallait s'y attendre. J'ai pas réussi à le débloquer. C'est Maître Gims, il a pas aimé. Ah merde. Mais ne vous inquiétez pas, parce que les replays sont dispo sur Spotify ou Google Podcast. Et sur Google Podcast, voilà. Et c'est gratuit. Et vous avez pas besoin d'avoir un compte Spotify, vous écoutez. Écoutez, et ouais, puis voilà, vous écoutez tranquillou. C'est disponible quand vous voulez, où vous voulez. Et puis voilà. Et puis voilà, ouais. Et comment vous voulez. Voilà. Non, mais en plus, vous n'êtes pas obligé de laisser l'application ouverte vu que c'est juste en audio. Voilà, ouais, vous pourrez être sur votre téléphone en même temps et tout, c'est super cool. Donc vous pouvez réécouter. Voilà. En plus, je vous note à combien de minutes on parle de quoi dans l'émission. Ouais. Bon, alors on va commencer. Est-ce par qu'il serait coup de gueule, tendu Hugo du coup de gueule, du coup de cœur? Oui. Voilà, on met une petite musique de fond qu'on n'entend quasiment pas ici, mais c'est normal. Ben bah, monte un peu. Mais monte. Ça un nous met dans l'ambiance. Voilà. Attends, attends, voilà. Voilà. Tu l'entends, t'es contente? Oui, je l'entends. Mon alors, coup vas-y. De gueule. Alors, bah, c'était quoi lundi? La rentrée. Ah, c'est ça ton coup de gueule. Ouais, non, mais j'ai pas cherché loin. Non, mais j'en ai un autre qui va arriver après. Oh à la fin Hugo. De nos coups de cœur, coup de gueule, j'ai un coup de gueule qui va arriver. Ça va. Mais il y a une musique qui va avec parce que tout est préparé. Ça va. Tout est préparé pour une fois. On va pas se plaindre. qu'est-ce que. Ouais, donc la rentrée, mais ça fait une semaine, ça m'a déjà saoulé, j'ai envie d'être. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est... d'accord. Elle m'a fatiguée cette semaine. Hein. Ah oui, surtout toi, non? Oui, surtout moi. La filière où je suis, je bosse énormément. Hein, n'est-ce pas, Hugo? Valentin? Non, mais moi, c'est pas que je bosse forcément, mais c'est souvent, quoi. Oui. Vous savez quoi? À chaque rentrée, mon coup de gueule, ça va être ça. La semaine de la rentrée, mon coup de gueule, vous le connaissez, maintenant, ça va être la rentrée. Bon, ben. Sauf s'il y a d'autres trucs, mais voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ton coup de gueule? Ah oui. Alors, moi, mon coup de gueule, bah, en fait, c'est que le 5 novembre, c'était un combien déjà? Mais moi, le calendrier, c'était quel jour, je veux dire? Le 5 novembre, c'était le lundi. Ah, lundi, bah voilà. Bon, moi aussi, c'était un lundi, mon coup de gueule, sauf qu'il est un peu plus poussé. C'est que en fait, les femmes, bah, depuis le 5 novembre, elles travaillent gratuitement. Ah oui, j'avais vu ça sur Twitter. Oui. On vous partage ça sur Twitter, évidemment. Bah voilà. En gros, je vous explique. Vous savez tous que les femmes sont moins payées que les hommes. Ça fait quand même révolution. Et ben bah, en fait, Esther. Bref. Et ben bah, en fait, si les femmes s'arrêtaient de travailler, ben ça compenserait les jours de salaire qui leur manquent aux hommes. Je sais pas si est-ce que c'est compréhensible ou pas ce que je dis. C'est à peu près clair. Voilà, en gros. Après, je sais ce que c'est, donc peut-être que. Il leur manque à peu près. Ouais, dis, voilà, mais... et il leur manque à peu près 2 mois, 2 jours d'écart de salaire avec les hommes. Donc à partir du 5 novembre jusqu'au 31 décembre, en fait. Et je trouve ça hyper choquant. C'est une honte. On est en 2000, c'est une honte. On est en 2018. C'est et... une honte. C'est. Ben oui. Voilà, et bref, c'est mon coup de gueule de la semaine. Voilà. Ben c'est bien. Est-ce que j'enchaîne avec mon coup de cœur? Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, en fait, j'ai oublié de te le dire, mais ce serait bien que... Est-ce que tu pourrais la mettre ou pas en fond? Oula, alors attends. Ben oula, je le écoute, presse. En attendant de préparer la musique, tu sais ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais carrément dire mon coup de cœur. Parce que moi, j'ai pas besoin de musique et tout. Faut juste que je trouve Aya Nakamura qui doit traîner par là. Vas-y, ouais. Voilà. Bravo, mon Esther. Trop fier de moi, ma maman. C'est bon. Yes. On va mettre Jaja parce que c'est le seul que j'ai de toute façon. Vas-y. Donc écoutez, on va faire ça. Hop, en 32 secondes, 3 mouvements. En plus, il y a l'autre musique qui vient de s'arrêter pile à poil. Ben, voilà. C'est parfait. C'est bon. Alors, mon coup de cœur de la semaine, bah en fait, ça c'était la semaine dernière, sauf que le dimanche dernier, on a fait une spéciale. Quoi déjà? Une spéciale Halloween. Ah non, non. Non, spéciale 2013. Ah voilà, oui, c'est pour ça. Attends, on écoute Aya Nakamura. Vas-y. Ça va pas, mais t'es taré. Ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Bref, stop. Et donc, en gros, bah, elle a sorti un album la semaine dernière, la petite Aya Nakamura. Donc, son album il s'appelle Nakamura. Et j'aime trop son album, du coup, c'est mon coup de cœur de la semaine. Enfin, parce que j'essaie de pas mettre Ariana dans mes coups de cœur, parce que voilà. Parce mais que du sinon, coup, c'est une émission 100% Ariana. Oui. Mais du coup, voilà, j'aime trop son album, il est vraiment super bien. Et en fait, c'est un peu style. soul, R&B, et c'est vraiment mon style de musique, donc j'aime trop. Je l'ai pas vraiment écouté parce que ouais, t'as écouté un peu avec moi la semaine dernière. Ouais, mais j'ai vraiment pris le temps de. Ouais, bah, c'est le seul moment où j'ai écouté. Ouais. J'ai pas vraiment pris le temps de le faire. Ça va. Donc voilà. Oh, Dja Dja. Ah oui, attends, je laisse jusqu'à ce qu'il y ait le refrain pour qu'on l'entende. Oh, ça me chauffe là. Attends, ça te chauffe, Bastien, écoute ça. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu joues le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu. Faut pas monter aussi haut qu'elle quand même. Ah, attendez, ça va être le refrain. Attention. Voilà. Quatre, hein, tu... C'est vous qui dites ça. Ariana Grande vient de tweeter. Elle a tweeté plein de trucs. C'est mes notifications sur mon tel. Totalement. Voilà, quoi. Bon, alors, quel est ton coup de cœur, Hugo, de la semaine? Mon coup de cœur, ben, c'est très simple. C'était sur TF1, parce que je regarde TF1. Oui. Oh. Bah ouais. Non, je regarde la télé, ce qui est rare. Profitez-en. D'ailleurs, je vais regarder Camping 3 ce soir. Je regarde plus la télé, moi. Il y a Camping 3, tu sais, on n'attend pas Patrick. Ben voilà, je vais regarder ça ce soir. Hashtag bouffe. ouais, donc du coup, il y avait un film lundi. C'était le jour où j'ai brûlé mon cœur. Ouais. J'ai regardé ça avec ma mère. Et en fait, si tu veux, ça racontait l'histoire d'un gars. Il se faisait harceler au collège et tout. Et il a voulu se brûler. Ah ouais. J'allais dire immoler, mais il y en a qui vont pas comprendre le terme. Ouais. Parce que je l'ai mais moi, j'aurais pas compris. Moi, je l'ai appris le soir même ce que ça voulait dire. Mais en gros, il s'est foutu le feu et tout. Et ça raconte son histoire et tout. C'est un peu bien fait. Ah ouais. Voilà. Mais du coup, ah ouais, bah non, on raconte pas le film. Mais ouais. Oui, hier, bah, Aya Nakamura. Oui, bah, j'ai raconté un peu. Déçu. Voilà. Ah, bah, on va en parler de ça. Attends, on va en parler dans notre moment blabla tout à l'heure. Oui. T'inquiète pas des Energy Music Awards. Oui. Parce que vu qu'on n'est pas sur une radio, qu'on est sur une chaîne YouTube, on peut parler. On peut tout dire, on peut critiquer, on peut tout dire. Des concurrents, on va dire. On peut pas, on est libre. Vu que c'est sur ma chaîne. Voilà, donc il y avait ça et mon deuxième coup de cœur. Ah, t'en as deux. Ouais, carrément. Ah, mais t'es fou. Ça va être. Je suis content. C'est le retour de mon plus beau Noël. C'est sur TF1, c'est un bienvenu chez nous. C'est quoi déjà ? C'est un bienvenu chez nous en fait, présenté par Valérie Damido. Sauf que les gens ils s'invitent et ils fêtent Noël. Et après tu notes leur Noël, comment ça s'est passé avec leurs traditions et tout. Je connaissais pas du tout. Ça a commencé l'année dernière. Et genre j'ai tellement kiffé, ça me donnait 3000 aides de Noël d'acheter plein de déco et tout. Ah, bah, parce que t'as des maisons, mais elles sont décorées, mais. Ils mettent des milliers de sous là-dedans, mais c'est magnifique. Bah ouais. Genre, faut regarder ça, quoi. Je sais plus à quelle heure c'est, mais je crois que c'est pendant que j'ai cours. Mais pas grave, je regarderai de temps en temps. Mon Thomas qui n'apprécie pas Camping. Camping, non, mais c'est sympa. Moi. C'est rigolo. Sympa. Bon, après, moi j'aime moi, pas l'humour de bof. Je l'avais vu au cinéma, ouais. Ouais, moi aussi, j'avais un peu l'humour de bof, moi, donc c'est normal que j'aime bien ça. Par contre, j'ai engueulé ma cousine. Oh! Non. bref, Hugo, on est en direct en fait, m'appelle pas. Ouais. L'autre Hugo. Bref, et. Voilà, donc c'était mon coup de cœur. C'était super ton coup de cœur, Hugo. Donc, conclusion, regardez TF1 le soir quand il y a mon plus beau Noël. En plus, il y a Valérie Damido, ce qui est grave. Très sympa. Oui, je l'aime bien, elle. Moi aussi. C'est une des rares présentatrices que j'aime bien. Ouais, je trouve elle est sympa. Et et j'avais un dernier coup de gueule du coup que j'en avais parlé. Ah bah vas-y. C'était hier au Energy Music Awards. Ouais, on va soit les frapper tout le temps, soit voilà, on va se plaindre ou dire c'est du bien, on ne sait pas trop. Ouais. Voilà. Ils ont rendu hommage à Johnny et à Charles Aznavour, mais ils n'ont pas rendu hommage à celui qu'ils ont le plus passé sur Energy, parce que bon. Clairement, Charles Aznavour et Johnny ils l'ont quasiment pas passé. C'est Avicii. Ouais. C'est dégueulasse, je trouve. Oui, mais tu sais que TF1, comme c'est la génération d'avant, ils rendent hommage. Ils n'ont pas non plus rendu hommage à XXXTentacion, ni à Mac Miller. Tu vois, c'est que les gens de leur génération. Ouais, bah ça, c'est dommage. Nul. Bah, donc, ouais. Donc, du coup, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas rendu hommage à Ah, mais tu sais, ça m'énerve ce genre Surtout, de choses. Surtout, ils auraient pu demander à. Ah, mais c'est parce qu'ils sont français, en fait. Ah. Yes, voilà, désolé pour next. Désolé pour ces petites coupures. Ouais, alors oui, c'est bon. On vient de savoir pourquoi il y a plein de problèmes techniques parce et que oui. Déjà, on a de la chance parce que on a de l'électricité parce que il y a la moitié de la ville où on est qui n'a plus d'électricité. Voilà. Voilà, donc dont Sandrine qui est dans le chat. Ouais. Et donc c'est pour ça, je pense que la 4G passe très mal. Donc du coup, normalement voilà. Ça devrait être mieux, mais c'est pour ça que ça a dû couper d'un seul coup. Ouais. Et pas de sondage aujourd'hui, bah non. En fait, on n'a jamais fait de sondage. Hein. C'est pas tous les jours, Sandrine. C'est juste non, le dernier. Ah si, je sais. Les sondages, parce que oui, c'est en rapport. Non, mais c'est en rapport avec les journées mondiales aussi. T'avais parlé des journées mondiales du droit contre, enfin d'un truc contre la femme et tout ça, je crois. Ah t'avais bon parlé un truc du genre. Mais t'inquiète pas, on va avoir des petites statistiques pour les journées mondiales qui vont arriver. Journée mondiale. Qu'on commence évidemment maintenant. La petite trompette. Attends, non, on va démarrer la trompette. On a une trompette pour chaque truc dans cette émission. Et faut les inaugurer. Attention. Voilà. Mais je préfère quand même cette vidéo, pas les paroles. Voilà. Donc, alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu comme journée mondiale? C'est à moi de commencer. Vas-y, commence, Hugo. Parce qu'en plus, on a mis des petites lettres et tout devant pour savoir qui commence, qui fait quoi. On est bon. D'ailleurs, oui, à cause de toutes ces coupures, il risque d'y ne pas y avoir le replay de cette émission. On verra. J'essaierai de faire en sorte qu'il y ait le replay, sinon, peut-être bon, voilà. Ouais, voilà, on essaie. Il y aura, le replay prendra peut-être un peu plus de temps à arriver que prévu. Mais j'essaierai de faire en sorte pour que vous l'ayez demain matin dans la voiture ou dans le bus ou dans le tramway ou dans le train ou encore dans l'avion. Oui, je voilà. Je fais tout. Ah ouais, on se croirait dans Riverdale, la moitié de la ville n'a plus d'électricité. On est seul dans le noir. Non, mais c'est parce qu'il aime trop, il fait que regarder Riverdale en ce moment, il fait que nous parler. Il veut qu'on aille chez Pops. Mais tu... Ah oui, mais il regarde pas de série. Non, moi je regarde pas. Non. Ouais, non, le Hugo à côté de moi ne regarde pas de série. Bon, voilà quoi. Quoi, c'est bon. T'es un peu inhumain en fait. Tu regardes Joséphine. D'ailleurs, il y a un nouvel épisode de Joséphine lundi. Bah Riverdale c'est une série en gros. Mais oui, sinon vous êtes un peu. Non, mais il y a une grosse partie de la ville qui est dans le nord, mais ne vous inquiétez pas. Mais pas nous, parce que nous on est les sons de la veine et on fait ce basier radio. Ouais, voilà. Non, on a de la lumière et tout. Et moi, Hugo dis, Valentine, attends, il me dit, lis mon commentaire, mais juste on est en décalage donc je le lis quand il apparaît. Voilà, désolé. Voilà, et qu'est-ce que j'ai envie de dire? La prochaine fois, on fait une émission publique devant ma maison. Non, je dis que oui, c'est bien pas sûr, vrai, ne vous chauffez pas, on n'a pas le droit. Voilà. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de commencer Journée mondiale un jour? Let's go. Ah bah voilà, bon bah vas-y, commence à la première. Non, mais attends, j'attends que ça revienne. Voilà, c'est bon. Donc lundi, c'était la journée annuelle des parents au bureau. Qu'est-ce que c'est? Tu ne connais pas cette journée, Esther? J'en ai entendu parler, mais vas-y, explique-moi. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est? Alors, ça a été imaginé par le réseau social pour les pros, LinkedIn. Alors, j'ai jamais réussi à le dire. LinkedIn. C'est le réseau social pour les professionnels, enfin pour les gens dans le boulot, tout ça. C'est pas genre Facebook. C'est Facebook, mais genre pour les métiers. Ouais, ouais. Hugo, tu assumes Joséphine totalement. Qui ne regarde pas de série, non mais je suis comme, choc. Comme Camping Paradis, c'est tout à fait mon délire ça. Donc en fait, l'idée de cette journée, c'était que les gens, donc nous par exemple, imaginons on a un métier. Ouais. Bon, pour l'instant on n'en a pas, hein, malheureusement. Et bien ils peuvent faire venir leurs parents au bureau, enfin leur endroit où ils travaillent, pour leur montrer à quoi ressemble leur travail au quotidien. Parce que imaginons, tu prends l'exemple de Cyprien qui est youtubeur. Ouais. Et ses parents ils comprennent pas, bon je pense qu'ils ont compris à force, mais ils comprennent pas forcément qu'est-ce que c'est ce métier. Ben du coup les invite à venir passer la journée avec lui au bureau pour voir à quoi ça a Et donc fait. C'était ce lundi là, 5 novembre. C'était lundi, une journée exprès voilà. Pour ça. On aurait pu inviter nos parents au lycée, ça aurait fait beaucoup trop de monde. Oh, je pense clairement. Que ça les aurait vite saoulés quoi. Oui. S'ils nous disent mais non, les cours c'est pas si mal. Ouais, ben reviens en cours. C'est vraiment pas si mal, je m'éclate. Ah, oui. Voilà, mais peut-être que dans quelques années, je les inviterai dans mon studio de radio. Et ben j'aimerais bien. Tu m'inviteras aussi, même si je suis pas ta mère. Oui, tu m'inviteras, ne t'inquiète pas, je parlerai même de toi à l'antenne. Ah, ça me déplaise. Si c'est pas beau, je ferai tout. Regarde, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Énergie. Attends. Attention, il va mettre un jingle énergie là, vous êtes pas prêts. Ah, vous êtes pas prêts. Hugo se transforme. Se transforme en animateur énergie. Attends, il faut que je le trouve. Et plus belle la vie, Sandrine, elle demande si tu regardes. Non, plus belle la vie, j'aime pas ça. Ah. Allez, vas-y, mets-le. Attendez, moi, c'est... attention. Regardez, on va faire un speak type énergie, mais on va parler d'Esther. On va lui faire une petite dédicace. Énergie Marseille, Énergie Marseille. 18h sur Énergie, on est avec Esther qui veut écouter la playlist Énergie qui est en cours. Eh ben, bonsoir détends-toi tout le monde. Avec Ariana Grande et James Blunt. Bon, j'avoue que James Blunt sur Énergie, c'est pas le meilleur exemple. Non, n'est-ce pas. Bon, voilà, c'était un extrait de Hugo plus tard. Voilà, mais par contre, tu ne devras pas dire bonjour parce qu'on n'a pas le droit de te faire parler à l'antenne. Mais on dira qu'il y a des auditeurs qui sont venus dans le studio. Comme... Ah oui, d'ailleurs, petite anecdote, parlant de ça. Quand je suis allé, à chaque fois que je vais à Énergie à Beaune, donc j'y suis allé trois fois pour l'instant, ouais. Il trouve un prétexte pour nous faire gueuler derrière lui quand il parle. Genre, ah ouais, t'as pas compris. Je sais pas si t'as compris. Alors, non, on y était allé pour Noël. C'était la dernière de l'année pour lui qu'il faisait. Du coup, il a dit, c'était son dernier speak. Et du coup, bah, il nous a dit de mettre de l'ambiance. Genre, la dernière fois qu'il parlait, il disait à l'année prochaine, tout ça. Et nous, on gueulait derrière lui. On disait, ouais, bonne année. Enfin, bon, de la merde, quoi. Ouais, ouais. Ensuite, c'était, son prétexte, c'était, ah, on a des gens qui sont venus au studio. Donc, nous, on a gueulé avec ma famille. Et après, il a dit, bon, bah, vous pouvez venir, tout ça, tout ça. Et le dernier prétexte qu'il a eu, c'était pour la Coupe du Monde. C'était, on était qualifié en quoi? En quart de finale? Non, on est en demi-finale. C'était les quarts qu'on regardait, parce que ouais, je regardais avec énergie, rien ne va dans ce que je dis. Ah. Et du coup, bah, on venait d'être qualifié en demi. Du coup, il a commencé son speak en disant, on est en demi, et nous, on a fait, ouais, enfin bon, voilà. Ah, ok. En gros, on vient mettre de l'ambiance un petit peu. Bah, ça, c'est cool, ouais. Bah, voilà. Bon alors, bah on enchaîne ensuite, sur les journées mondiales. On continue les journées mondiales. Ah, la musique est un peu forte. Yes, c'est bon. On règle. On est désolé. C'est bon. Voilà. Alors, la journée mondiale, c'était jeudi 8 novembre. C'était la journée mondiale... Nationale. Libyen. Ah pardon, la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Donc c'est qu'en France du coup... Scolaire. Le harcèlement scolaire, oui, pardon. Il faut le harcèlement à l'école qui touche chaque année 700 000 de nos élèves, 700 000 enfants qui souffrent au quotidien de brimades, de moqueries, de mise à l'écart. Notre parle de violence physique. Est-ce que ça s'entend qu'elle n'a absolument pas lu avant ce que c'était? Mais je viens de découvrir, là j'étais un peu en stage. Mais je te l'ai envoyé. 700 000 élèves. Oui, je te l'ai envoyé cet après-midi. Oui, mais j'ai lu en 2-2, j'ai pas appris le texte. Non, moi je l'ai pas appris. Il faut savoir. Bref, t'es pas très gros, bonne c'était... aux exposés en cours, toi, non? Ah si, je m'exprime énormément bien, donc bon. Bah, mais mes exposés, pas, je les apprends, c'est pas pareil. Oui, moi je les apprends pas, mais j'improvise comme là, par exemple. Mais moi aussi j'improvise, mais ça, je bafouille pas parce que là je lis. Bref, bon, voilà. Donc en gros c'était de lutte contre le harcèlement scolaire, et voilà. C'est pour ça aussi que TF1 avait diffusé le film. Hein, ouais, le film, le coup de cœur du coup. Voilà, mais c'était vachement cool en vrai comme film. Ouais. Ouais, du coup, voilà. Donc, et bah, y a du un coup, numéro... attends, je relis ce que tu avais dit. Donc, c'est 700 000 enfants en gros qui souffrent au quotidien de conneries que disent les autres, quoi. De moqueries, même violences physiques. Comme ça. Et ça peut aller très bien. Ah, bah voilà, bah, ma cousine qui est là. Ah oui, go, petite ambiance énergie. Du coco. Mais c'est quoi quand il y a un truc comme ça là? Genre ils peuvent supprimer les commentaires des autres. Ah ça, oui, toi, c'est un modérateur, si tu, ça. Voilà, et si tu commentes avec ton compte, tu l'auras aussi. Trop cool. Voilà. Donc voilà. Donc si votre enfant souffre comme Esther de harcèlement scolaire, je souffre pas d'harcèlement scolaire moi. Non, je rigole. Ma mère elle va s'inquiéter. Pourquoi tu dis ça d'abord? Non, je rigole. Enfin, je sais pas. Après, je suis pas dans le lycée. Mais j'ai pas du. Mais je, voilà. Pas du tout. Elle va très bien, Esther. Même regardez, Basie Radio, ça lui redonne le sourire. Tout le monde a peur de elle moi dès que je marche dans les couloirs. Tout le monde s'incline en fait. Marina passe, tu t'écartes. Quand Esther passe, tu t'écartes. Quand Esther domine, tu t'inclines. Voilà. Et si on me voit pas, c'est qu'on est aveugle. Merci, si au cas où. Il y a quelqu'un qui t'a harcelé scolairement. Il y a le numéro 3020 qui est gratos. Qui est gratuit. Vous pouvez en parler parce que le mieux c'est d'en parler en fait et de pas et de pas se morfondre dans sa douleur. Il y a Bastien qui dit wesh Axel. Quoi? Mais voilà, je m'étais sûre. Mais c'est pas vrai, je me fais pas harceler. Oh là là. Non, bah très bien. Voilà. Moi j'aide les gens qui sont harcelés. Ah, c'est joli. Wow. Bah alors, prochaine journée samedi, il y a eu quoi, Hugo? Journée internationale des stagiaires. Pourquoi je parle que de boulot aujourd'hui? Ouais, grave, t'es chiant. En plus, ton coup de cœur, ton coup de gueule, c'est la rentrée, tu parles de boulot. Ah ouais, en plus. Bon, j'ai pas fait exprès. Donc, le but, c'était d'attirer l'attention sur les stagiaires. Donc, pas dire, ouais, juste les stagiaires, comme ça, tout ça. Non, c'était le but de montrer des fois l'utilisation des stagiaires. Alors je sais pas comment ça s'est passé toi par exemple. Bon là, on parle troisième, tu parles. On parle plutôt de stagiaires là pour cette journée de stagiaires quand t'es payé tout ça. Ouais. Mais j'attends que ça revienne. Le but de cette journée mondiale est d'attirer l'attention sur les abus. C'est à de moi de lire ça. Déjà et. Désolé, je t'ai piqué ton truc. Et en plus, je t'ai dit d'attendre parce que ça avait coupé. Ah, bah du coup, ils m'ont pas rendu. Mais vous voyez, elle m'écoute pas, mais c'est épuisant. pourquoi j'ai décidé de faire une émission avec elle. C'était d'ailleurs, c'est toi qui as un ego surdimensionné, Esther. Oui, c'est moi. Voilà. Donc, du oui, coup. Oui, j'écoute tout le temps. Oui, Esther, tu les aides beaucoup. Voilà. Oh, c'est mignon. Bah oui, je les aide beaucoup, comme Ambrine. Ambrine, moi, je suis là, je l'aide. Et dans sa vie, je le. Voilà, quoi. Voilà. Donc, du coup. Je l'aide à revenons sur nos stagiaires. Oui. j'allais dire sur nos moutons. Non. Bon, revenons donc, à nos moutons. Donc, on parle plutôt de stagiaires qui sont payés, tout ça, dans les grandes entreprises. Mais on va parler, nous, de nos expériences de stage de 3e. Oh là là. Pourquoi ça s'est pas bien passé? Non, pas du tout. Genre, en fait, je vous explique, j'étais dans une crèche, voilà, et parce que j'aime trop les enfants, mais franchement, ça m'a saoulé. Genre, celle qui s'occupait des enfants, elle s'était pas cool avec moi. Genre, vraiment, je sais pas, elle me prenait de haut, et puis j'ai pas eu une bonne appréciation. Genre, j'ai eu une appréciation moyenne, alors que tout le monde avait des très bien et tout. Et puis, même les petits avaient tous le rhume, et du coup, j'étais hyper malade, quoi. Bref, franchement, j'en ai pas un bon souvenir du tout. Ça m'avait saoulé, même s'il y avait des petits qui me manquaient trop, je les aimais trop. Donc, cette journée, en gros, c'est pour attirer l'attention sur les stagiaires qui, enfin, où on leur fait faire tout le temps les cafés et tout ça, et qui au final, non, moi, heureusement, j'ai pas fait ça. Mais toi, c'était où ton moi, stage? C'était dans l'entreprise de Matata. Et c'était grave cool, genre c'est un laboratoire et tout, ils font des produits et tout. Ouais. Et du coup, bon, normalement c'est censé être un stage d'observation en 3e et tout, mais bon, là elle m'a fait faire des manipulations et tout, parce que sinon ça allait être clairement chiant. Ouais. Mais si tu veux, bon, elle avait mis des horaires sur le planning, tu sais, il fallait rendre les feuilles avec les horaires oui, qu'on oui, avait. Bon, souviens. J'avais pas du tout ces horaires-là, hein, c'était juste comme ça. C'était flexible, on va dire. Ouais, mais c'est pas... ouais, tu mais c'était très cool, il y avait une bonne ambiance en plus, c'est la patronne. Ouais, du coup, donc du coup, voilà, j'étais un peu le roi de l'entreprise. Non, je rigole, c'était super sympa, tout le monde était super sympa. C'est de là que j'ai commencé à écouter Manu le matin. Ah! Voilà, parce qu'il y avait Manu dans le laboratoire, du coup j'ai bien aimé. Bon. Voilà, et du coup, ça s'est bien passé. Je regardais La France, un incroyable talent. Je pouvais prendre une après-midi si j'avais envie. Blague. Il y avait des IST illimités, gratuits, payés par l'entreprise, mais c'était génial. Ouais, ça c'est quand t'as un membre de ta famille, ça se passe en toujours vrai, bien. J'ai passé une semaine de vacances, quoi. Ouais, un peu, voilà. Mais oui, parce qu'au plus j'étais chez mes cousins. Mais du coup, ton diaporama de stage, t'as dit quoi en fait? Ben, j'ai expliqué les métiers qu'il y avait dans son entreprise, enfin surtout le métier, enfin ce qu'il faisait dans l'entreprise et tout. Et j'ai eu 18 sur 20, je crois. Moi aussi j'avais eu ça, j'ai eu 18. Voilà, et j'avais eu des bonnes appréciations, j'avais même intégré une vidéo et tout dedans. Ah, et ça cool. Leur avait grave plu, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est des produits. Bon, je vais vous expliquer vite fait ce que c'était la vidéo. Vite fait, hein. Là, on est à 13 spectateurs, on retombera à 2 après avoir expliqué. Restez là, s'il vous plaît. En gros, ils font des produits pour éviter que ça rouille sur le métal, genre la peinture, elle fasse rouiller. Genre du vernis métal. Un peu. Ouais, voilà, c'est une sorte de truc comme ça, mais c'est mélangé. Genre dans la peinture, ils mettent un produit pour éviter que ça fasse rouiller le métal. Trop cool. Et du coup, on avait fait un test. Donc c'était le flash rust, un truc comme ça. Et sur deux plaques de métal, on mettait deux peintures différentes, une avec le produit et une sans le produit. Ouais. Et en quelques minutes, on voyait la différence. Il y en avait une qui était beaucoup plus rouillée que l'autre. Ah ouais. Et du coup, j'avais filmé cool, ça alors. Pour le mettre dans mon diaporama. Et j'avais carrément ramené les plaques de métal. Ah ouais, bah c'est normal, t'as une bonne note. Ouais, enfin, à la base, je les avais oubliées chez ma tati, même les envoyées par la poste et tout. C'était grave sympa. Ah bah ouais. Du coup, je les avais et tout, ça leur a plu. Parce que tu sais, c'était. Ouais, je vais pas te dire les noms, je te dirai après pour la musique. Ça va. Et voilà, et c'était sympa, ça leur a beaucoup plu. Voilà, bah, dernière journée de cette Alors, semaine. Alors, dimanche, c'était la journée internationale des célibataires. Bah, c'est aujourd'hui dimanche. Hein. Ah bah oui. Désolée, je suis un petit peu. Perché. Fort, quoi. Oui, perché. Bon, bah aujourd'hui, elle est d'origine chinoise, petite journée. Et la journée internationale des célibataires est l'occasion de célébrer la fierté d'être célibataire, mais surtout l'occasion de rompre avec le célibat. Coucou, c'est moi. C'est quoi que t'as marqué là? Je sais pas, le 11. Ah oui, parce que. Ouais, le 11 novembre, oui. Ouais, voilà, a été créé. Bah, le jour des célibataires a été créé dans les années 90 par un petit groupe d'étudiants chinois qui voyaient dans cette date, le 11 novembre, un signe. En Chine, le chiffre. 1 représente l'individualité. Oui, c'est vrai. Ah oui, bah, du donc coup, 4 c'est pour 4, ça, en fait, que ça a été créé. Je trouvais ça sympa de dire ça. Hein. Ouais. Ça a apporté un peu de culture générale à cette émission. Ouais, ceux qui sont célibataires, révoltez-vous dans le chat. Ouais, wouh, levez la main. Yes. Je veux un maximum de mains levées. Allez, c'est parti. On accélère le manège du célibat. Oh my god. Oh là là. Voilà. Donc, et bah voilà. C'est ta fierté, Esther, oui. Kelly, avec son ton d'ironie, j'ai envie de la frapper. Donc évidemment, moi je lève la main. Non putain, tu lèves le stylo. Moi, oh là là. J'attaque Esther. Donc évidemment, je lève la main. Je lance un appel aussi, à tout lève. Le monde. Que vous nous écoutez sur Spotify, Google Podcast. Sur YouTube, je lève la main. Je suis quelqu'un à prendre. Un cœur à prendre. Voilà, voilà. Non, tout je de suite, on est très on se bien laisse seul aussi. Avant de passer au blabla où on va parler de plein de choses, mais vraiment ça va être un gros bazar. Ouais, déjà qu'on est en retard en fait. Oh, oui, on est hyper en retard. Ah oui. J'avais pas vu, on est hyper en retard. On se laisse avec un remix de. En fait, si vous voulez, c'est un groupe Criss Cross Amsterdam qui a repris Whenever de Shakira. Ah. Mais ils se sont eux-mêmes fait remixer et je trouve ça grave cool. C'est vrai. C'est un remix d'un remix. En fait. Bah ça va. Et c'est grave cool. Et on va découvrir ça. Et j'espère que ça va vous ambiancer un petit peu. Esther est triste. J'espère que cette musique vous a plu. Hugo m'a bloqué temporairement du chat. On ne dit pas ferme ta gueule sur le chat. Mais je le disais à Hugo Valentin. Non. Parce que voilà. Voilà. Non, mais non. Non, je suis contre. Ouais. Et un du peu coup, d'amour je vais dans ce lire monde, parce que oh vous, m'avez, vous avez répondu un petit peu. Alors, il y a Thomas qui dit non, qu'il est en... Non, mais tu montes trop, là. Je m'en suis aperçu. Attends, mais fais ça avec ça, c'est beaucoup plus simple. Ah, merci, vas-y. Oh là là, Esther et l'informatique, ça s'améliore pas, dis donc. Hein. Il y a Thomas qui dit qu'il est en couple, mais il est pas là, son mec, aujourd'hui. C'est pas grave. Tu lui diras de venir écouter l'émission. Bah, hein. Totalement, il va s'amuser. Ça fera des auditeurs en plus. Hein. Grave. On essaie de rater. Toujours, t'as envie de frapper tout le monde, ma pauvre, va à la boxe cette semaine. Et vas-y, radio, mieux que mythique, mais totalement. Ouais, trop d'amour ici. Tu vois, Kelly, elle aime quand il y a de l'amour, ouais, de la joie, de la bonne humeur, que toi, tu insultes nos auditeurs. C'est une honte. Est-ce qu'il serait pas temps On au fait moment. Un stop. Non, stop. Pas tout de suite. Un stop de promotion. Mettez un pouce bleu à ce live. Ah oui. Abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications et partagez le live à tous vos amis. Et c'est pas fini. Abonnez-vous à notre Instagram où on met des petits et sondages. Et notre Twitter. Et sur Spotify et sur Google Podcast. Wouh, mettez-le un pouce bleu. Voilà, comme ça vous êtes avertis dès qu'il y a les replays et tout ça. Voilà. Et même sur Twitter, on en a partagé des trucs. Hein. Ouais. Surtout hier soir. Oui. On s'est lâché. On a dit sur les NMA et tout, on a tout parlé. Voilà. Bah, du coup, on enchaîne sur le blabla. On enchaîne sur le blabla, je ne sais pas lequel c'est de bouton, attention, mais est-ce n'importe. Que c'est celui-là? Wow, c'est peut-être lui, bon je sais pas, je crois qu'on en a pas de prévu. Vas-y. Non, on en a absolument pas de allez, prévu. Allez hop, Esther bloquée, hein, ça te fait bien rire ça hein, Hugo, que je sois bloqué, hein, t'aimes bien. On va commencer d'abord par le retour de quelque chose qui a frappé la planète People. Qui a frappé Hugo surtout en plein cœur. Non, qui a frappé, c'est une actualité, attention. C'est les infos, c'est un drame. Non, mais... ça a frappé la planète People. Tout le monde en a parlé. Tout le monde. J'adore, j'ai prévu quand même le petit jingle. Oui, avec plaisir, je le tout. Ramène. Ah, ça fait plaisir. Petit jingle des infos et tout. Je vais vous faire écouter, vous allez très vite comprendre. Vas-y. Vous avez compris, les Spice Girls sont de retour pour une tournée, mais sans Victoria Beckham. Voilà, elle sera pas là. Pourquoi alors, d'ailleurs? Je crois que il me semble avoir entendu que en fait il coupait son micro des fois à des concerts parce qu'elle chantait mal. Ah ouais. Et du coup, ils lui ont pas proposé de revenir parce qu'elle avait dit elle ne referait plus du tout il y a mais quelques années. Mais c'est vrai années. Que c'est plus une mannequin qu'une chanteuse. Voilà, elle a dit qu'elle referait plus du tout les Spice Girls. Pour c'est cool. Attendez. Oui, du coup, elles font une tournée en Angleterre, genre ouais, juste, enfin, aux États-Unis. Non, et en Angleterre. Au Royaume-Uni. Ouais, que voilà. En Angleterre ou au Royaume-Uni. Je crois que c'est dans tout le Royaume-Uni. Je suis bon, plus ça trop. Va. Enfin voilà. Donc ils sont de retour. La planète People a tremblé. Et puis voilà. Ça, nous, on adore les Spice Girls avec Girl, du coup. Enfin, surtout. Surtout celle-là. Faudra vraiment qu'on fasse une spéciale karaoké, je crois, pour le jour de l'an, à faire une mode spéciale karaoké, parce que bon, oui, c'est la dernière de l'année, on se lâche. Et on adore le karaoké avec Hugo. Voilà. Sur Instagram, j'ai demandé une émission complète à rien. Oui, on va en parler, oui, parce que... Je l'attends toujours. Bah. On a demandé vos propositions de quoi nous allions parler dans cette émission. Sur alors, Instagram, on a Sandrine qui nous avait proposé les 100 ans de l'armistice. Bon, j'ai trouvé ça triste un petit peu. Ouais, c'est un peu donc, pas intéressant. On n'allait pas hein. trop en parler. J'ai juste vu que TF1 ont fait une animation 3D. Genre, la madame, elle était incrustée dans c'est des tranchées et tout. C'était grave bien fait pour chaud. Une fois qu'ils font un truc bien dans leurs animations 3D. Parce que bon, faire apparaître le sapin de Noël au milieu du plateau, surtout qu'il est dégueulasse. Voilà quoi. Ah oui, j'en sais bien. Mais voilà, je pense qu'ils vont le refaire cette année. Non. Voilà, pour une fois qu'ils font un truc bien, faut le dire. Ouais. Et Kelly, forcément, avait proposé une émission complète sur Anna Grande. Mais écoute, je pense qu'on n'aura pas énormément d'auditeurs. Et ce sera sans moi surtout. Oh. Voilà, elle est pas mannequin, elle est dans le styliste et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Excuse-moi. C'est la chanson de la Wii, Esther. Ah oui, sur Just Dance en fait. Ah ouais, il était. Je faisais que sur Just Dance 1, celle-là. Ah bah je l'ai pas. Et je faisais pas, que la danser, j'avais trop le j'avais plein de points et tout, c'était trop cool. Ah bah voilà. Vous pouvez pas la mettre en entier. On verra. À la place de celle-là, personne la connaît. Si, elle est grave cool, elle met de l'ambiance. Non, on la mettra en entière pour le jour de l'an. Oh, celle-là. Ok. Vraiment, et on la chantera en karaoké même. Le jour de l'an, de toute façon, je crois qu'on va parler que musique. Soyez là. C'est pas le jour de l'an, c'est le 30. Non, c'est le 30. C'est la veille. Voilà, c'est la veille. On fera le bordel, clairement. Voilà. Et ensuite, on va parler des NMA. Ah, attends, j'ai prévu. Energy Music Award. J'ai tout prévu, mais pour une fois. Vas-y, Hugo. Je prévois tout. Attention. J'ai même prévu la musique de fond, j'ai vraiment prévu. Et voilà. Oui, les NMA, c'était hier soir, je ne sais c'était pas si vous avez regardé. C'était la 20ème édition, j'avais pas capté. Pas les 20 ans. D'ailleurs, je me suis énervé toute la soirée parce que c'était 20 ans alors que ça a 18 ans. Mais ah bon ouais, parce qu'à l'époque. Mais comment ça se fait que c'est la 20ème? À l'époque, ils le faisaient en janvier. Et du coup, après, ils l'ont modifié en novembre et tout ça. Enfin, ils ont modifié les dates un peu. Et du coup, bah, ça fait qu'il y a des moments où ils ont fait deux cérémonies dans la même année. Voilà. D'accord, ouais. Et ben, donc moi, je commence mon coup de gueule. J'en ai plein. De toute façon, on a plein de trucs à dire sur cette cérémonie. Alors, déjà, les votes sont complètement trafiqués en fait. Parce que Aya Nakamura, elle devait gagner avec Jaja. Et c'est le petit Kenji là, avec Pour oublier, qui a gagné. Alors non, que c'est juste que vu que c'est payant, bah, personne n'a joué. Non mais même genre Jaja aurait largement il y aurait plein de gens qui auraient voté pour Aya Nakamura parce que vote, Kenji personne n'a écouté. Attends, ce vote faudrait vraiment le mettre enfin faudrait arrêter les votes payants comme ça. Bah voilà, ouais. Faudrait les mettre comme ils font sur le site internet hein. Ouais. C'est chiant les votes payants parce que du coup il y a beaucoup moins de monde qui joue et c'est faussé en fait. Ouais grave. Donc voilà. En tout cas, j'étais déçu que ce soit Kenji, moi. Ouais, moi je voulais que ce mais soit sinon, Aya. Sinon, en globalité, c'est la première année où ils méritent à peu près tous leur awards. Ouais, oui. Voilà. Enfin, ouais, je veux dire, tous les lauréats, ils méritent. Dans et dans par la globalité. Contre, Ariana, elle a été nommée à 4 catégories, elle a gagné que. 4 ou 3 3 plutôt, hein. Pardon, excuse-moi, il manque les 3 catégories. et elle a gagné l'artiste féminine de l'année. Bon, elle le mérite amplement parce que c'est vrai que pour le coup, elle a été hyper productive. Non, comment on dit ? Prolifique. Prolifique, ouais, productive, j'ai sorti cette année. et voilà, et donc c'est vrai qu'elle le mérite. Mais par contre, je trouve que No Tears Left to Cry, il aurait mérité d'être la chanson et le clip de l'année parce qu'on a fait que l'entendre. J'avoue, alors non. Alors, et le déjà, clip, il attends, était magnifique. Attends, ça dit quoi ? On a fait que l'entendre, ça n'a rien à voir avec le clip. Et souvent, les gens. Alors, ça, c'est non, une mais catégorie je te parle de, aussi. De la chanson de l'année, on a fait que l'entendre, c'était la chanson de l'année. Pardon. Oui, non, parce que oui, non, mais comme c'était le clip aussi. S'il y a beaucoup de monde, je pense, qui vote dans le clip de l'année, ils votent plutôt la chanson, ils s'en foutent du clip, ils n'ont même pas vu certainement. Ouais. Bon, après, celui de Big Flow était Oli était bien fait. Mais j'avoue qu'elle méritait plus. Grave. Voilà. Dommage, Patrick Bruel n'a pas gagné. Ah ouais, d'ailleurs, ça faut en parler des gens qui viennent chanter mais qui n'ont rien à foutre ici. Patrick Bruel, tu l'as déjà entendu une fois sur Énergie ? Il est non. Super chiant. Tu as déjà entendu David Hallyday une fois sur Énergie ? Non. Et ils les mettent en plein milieu de la cérémonie. Mais ça plombe l'ambiance, les gars. Enfin, je veux dire, ils perdent des des audiences, mais c'est normal, vous nous foutez ça. Énergie, nouvelle radio jeune, faudrait se réveiller un jour. Grave. Voilà. Donc, mon petit coup de gueule, c'est qu'ils ont plombé l'ambiance en plein milieu de la soirée. Ouais. Du coup, y a plein de gens qui sont partis. Et le coup de gueule de Thomas, c'est toute la soirée parce que c'était sa pire soirée des NMA. Il a raison, je trouve. Pour moi, enfin, j'ai pas trop aimé, quoi. De quoi ? Tu comprends ou quoi ? Tu dis son coup de gueule, c'est Everything Because pure soirée d'NMA. Everything, ça veut dire tout. Oui, alors, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y avait aussi, mais Kev Adams et l'autre, je sais plus. Enfin, il y avait des gens, mais ils avaient rien à foutre ici. Kev Adams, bon, déjà, ce qu'il a fait là, son sort de mini spectacle, mais non. Ouais, next. Non, mais non. Lio qui arrive, qui débarque. Alors, déjà, qu'est-ce qu'elle fout ici ? Elle fait partie de Star 80, va faire les RFM Music Awards là. et en plus de ça, elle a dit Ava Nakamura. Ouais, personne a réussi à dire Aya Nakamura de la soirée. Ouais. C'est waouh. Mais le pire, c'est qu'elle, elle s'est même pas excusée, tu vois. Elle s'est même pas excusée en public. On aurait pu lui dire dans le. Mais c'est pas compliqué, voilà. Aya Nakamura. Voilà. Je veux bien qu'il y ait du stress, mais déjà, d'une, tu n'as rien à foutre ici. Donc, Mary, dis au moins bien les noms des gens. Enfin voilà, y a plein de gens, ils méritaient pas d'être là. Mais par exemple, à la place de David Hallyday, pourquoi ils ont pas fait mixer DJ Snake ? C'est pas souvent qu'il est en France, donc bon, ouais. C'est dommage. Surtout qu'il a été récompensé meilleur DJ de l'année. Ouais, ouais. En plus. Ouais, ouais. Donc voilà, et DJ Serpent. Du coup, il s'est rasé la tête. Oui, il l'avait dit sur Twitter, j'avais vu. Si je gagne un NMA, il se rase la tête. Il l'a fait sur son Insta. J'ai pas vu moi encore. Si, mais moi ouais, je l'ai vu. Ça va. Mais sinon, ouais, qui ne mérite pas l'Awards ? Tous, ils le méritent. Après, dans tous ceux qui sont là. Hein. Sandrine moi, qui dit pour Kenji, c'est des magouilles entre maison de disques, Energy et TF1. Elle a raison. Ouais, non, pour... mais ça, celui-là, il est faussé de résultats, je pense. Bah, c'est oui, Kenji, il m'a gavé. Hein. On a fait qu'entendre Jaja, ça aurait été ça, la chanson. Non, mais celle-là aussi, tu l'as beaucoup entendue sur Energy, beaucoup trop même. Ils l'ont même repassé ouais, encore ce matin, même. Là. Je n'en peux plus. Elle est hyper surcotée, mais quoi, Kenji, la chanson. Je n'en peux plus. Ouais. Clairement. Alors, après, vous allez vous dire pourquoi il veut travailler sur Energy alors qu'il ne fait que critiquer les musiques. Alors, je ne veux pas travailler sur Energy pour les musiques parce qu'il y en a les trois quarts que j'aime pas. Enfin, que j'aime pas vraiment, quoi. C'est pas mes coups de cœur parce que j'écoute. Enfin, je préfère ce qui passe sur Fun. Hein. Mais c'est moi, juste, je préfère ce qui se passe sur Skyrock. Mais c'est plus pour l'habillage, enfin les jingles, tout ça, qui sont vachement plus stylés sur Energy. Donc voilà. Mais ouais, j'avoue qu'il y a plein de musiques sur Energy qui passent, mais c'est de la merde. Hein. Clairement. Ouais. Nul Ariana qui n'a pas tout gagné. Kev Adams, what the fuck. Ah ouais, Chantal Latsou qui a dit. Marwan, elle a dit. Marwan. Elle avait rien à faire ici. Elle, ouais, c'est 5, la vieille encore là. Au lieu de Maroon 5. Aya qui était nulle. Non, ça va encore. Ayana Kamoura, je pensais que ça allait être pire. Aya, moi je l'aime trop. Je pensais que ça allait être pire, hein, putain. Non, Jennifer, moi je trouve elle chante gagné... bien en live. Non, Jennifer déjà. Jennifer nulle. Jennifer, alors non, déjà non, bon, sa musique elle ambiance un petit peu, tu vois, elle a pas plombé moi, l'ambiance pour autant. Moi j'ai pas du tout aimé sa musique, enfin c'est pas le style que non, j'écoute. Mais, non mais je veux dire, voilà, elle a pas plombé l'ambiance pour autant parce que non, mais quand oui, t'as après, David Hallyday qui trouve, danse et c'est tout mou, il y a personne, il y a tout le monde qui s'emmerde. Putain, les pauvres dans la fosse. Hein. Ouais. Ouais, Esther, tu te rappelles c'est qui chante ça ? Aya Nakamura, j'ai pas compris. C'est parce qu'en fait ma tante elle avait dit c'est qui chante ça ? J'ai fait Aya Nakamura, elle a fait. J'ai pas compris. Bref, c'était assez drôle. Voilà, mais Jennifer, faut savoir qu'elle est là depuis. Depuis 2002, je crois. Depuis les Energy Music Awards 2002. Ouais, hein. Mais. Vous vous rendez compte, ça fait 16 ans. 16 ans après, elle est toujours aux Energy Music Awards. Ouais, non, mais. Bon, après, elle, je pense pas qu'elle méritait vraiment de gagner. C'est pas énorme non plus. C'est musique, elle hein. Était. C'est Jane qui a gagné l'artiste féminine francophone de l'année et elle le mérite beaucoup plus. Hein. Ouais, j'aime bien. Elle, son style. Elle chante grave bien. Ouais, ouais. C'est cool, c'est détente. Genre, ouais, ça met pas l'ambiance pour autant. Enfin, si, ça va. C'est kiff-kiff, mais genre, ça détente. Ah. C'est, et ah, révélation genre, internationale de l'année, j'avais pas vu que c'était Camila Cabello. Ouais, c'est vrai qu'elle le mérite, je l'aime trop. Elle le mérite je un peu, trop, ouais. Bon, y en a, je sais plus qui c'est qui avait contre elle, mais c'est vrai que c'était pas mal. On va regarder de suite. Hein, qui, ah, ben non, ça me met direct sur Camila. Ah. Non, bah, on peut pas bon, voir. Tant pis. Bon, tant pis. C'est mais, pas grave. Ouais, moi j'aime bien. Enfin, bref. Voilà, voilà, ah, c'est tout si ce qu'on avait voir à dire un peu sur les NMA. Non, j'ai pas fini moi. Ah, oh, oui, Eddie de Preto, je sais pas si tu il est as déjà vu. 19h. C'est pas, je sais pas, est-ce que t'as vu la prestation de Eddie de Preto ? Oui, je l'ai vu en 2-2. J'ai eu peur pendant toute la chanson qu'il écrase les pieds des gars derrière. Mais j'ai trop, genre, il passait, trop peur, mais moi, il passait il à passe 10 cm à chaque fois. Oh non. Les pauvres, j'avais la peine pour. En plus, ils devaient pas bouger et tout. Mais il marchait bizarrement un peu. Ouais, ouais, mais révélation internationale de l'année. Ah oui, sinon, il y avait Dua Lipa. Dua Lipa moi aussi j'avais voté pour Cardi B aussi et Camila des fois. Non, moi Dua Lipa j'avais voté parce que Dua Lipa, ouais, Dua Lipa je l'aime vraiment trop. Toutes les musiques qu'elle a faites, enfin je les kiffe. Moi aussi, ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Ah ouais, Maître Gims c'était sympa qu'il ait fait un medley à la fin, genre de toutes ses vieilles musiques et tout ça un peu. Maître Gims je l'aime plus. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Non, parce mais que ses dernières chansons elles sont pas terribles. Oui, non, mais. Il y a juste le pire. Oula, ah, Freeway! C'est pas la fin, n'oubliez pas les paroles encore. Et c'est oui, Freeway, t'arrives pile au bon moment pour n'oublier pas les paroles. Mais attends, qu'est-ce que je voulais dire là? Oui, en fait, il m'a saoulé, Maître Gims, parce que c'était une espèce d'interview pour les NMA. Et en gros, il devait dire je like ou next des chanteuses. Genre, je sais pas si c'était ah en oui, beauté. Et j'ai, tout. J'ai pas regardé et celle-là. Ariana, il a dit next. Donc ça m'a énervé, du coup je l'aime ah oui, plus, Maître Gims. Pour ça, voilà, non, il faut non, pas même faire ses ça. Ses chansons fait en ce moment, elles sont plus terribles. Non, mais je l'aime plus, je l'écoute plus, j'ai le next de ma vie. Tu peux pas dire next à Ariana. On voilà est d'accord, Kelly, qu'il a serré en fait. Bref. Voilà, donc, bref, voilà. On enchaîne pour les nouvelles palettes. Je le remettais pour la fin, pour conclure. Ça va. Vas-y, mets la trompette. Je crois. Ah non, c'est pas maintenant. Non, on va carrément enchaîner directement vu qu'on est en retard. On va pas mettre raison la musique. Donc vous loupez juste une musique, mais c'est pas si important que ça. Heureusement qu'on l'a mise après. Attends, il est. Attends, mais il est long, mais Esther, il est bugué, il leur dit, tu fais n'importe quoi. Esther, elle casse tout. Ça mais non. Bref, est-ce qu'il serait pas temps d'entendre notre petite trompette ? Totalement. C'est parti. N'oubliez pas les paroles. Deux chansons françaises, une anglaise, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Je vais réannoncer. Et je vais changer de micro parce que c'est beaucoup plus pratique. Attention, transition. Boum, je suis là. Boum. Boum. Alors, on se croirait au Enema, tu sais, quand il passait du micro sans fil au micro sur pied, ben voilà. J'avais pas capté. Non, mais c'est juste que moi, je suis beaucoup trop branché radio, faut que je m'arrête oui, un jour. Je pensais ça. Alors, Inès, qui est la queen, en fait, de N'oubliez pas les paroles, elle a 13 points. Bastien en a 12. Kelly en a 8. Freeway en a 6. Léa, qui n'est pas là, et Béré en a 5. Sandrine en a 4, Alice en a 2 et Lilith qui n'est pas là en a 1. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai à dire aussi, c'est, je viens d'y penser, mais si vous êtes dans un lycée, collège public demain ou école primaire, n'oubliez pas, il y a la grève. Donc, donc regardez bien si vos profs sont absents. Moi, je commence ou pas. À 9h d'ailleurs. Donc. Je commence à 13h. Je fais peut-être 13h-14h. Mais oui, on n'exte pas la queen, totalement d'accord. Totalement. Est-ce qu'on commencerait pas par le premier extrait qui est Big Flo et Oli Demain qui ont gagné le clip de l'année. Bon, c'était moyen qu'ils méritaient, mais groupe et duo francophone. Groupe et duo francophone, moi je suis d'accord plutôt parce que moi c'est, enfin, je trouve c'est sympa tout ce qu'ils ont fait. Ils rappent bien. Moi j'aime pas trop leur musique, genre ouais, c'est pas mais enfin, c'est pas comme s'ils faisaient de la merde putaclic, on va dire en gros. Dans celle qu'on va écouter là, c'est vrai un peu ce qui ça peut arriver, ça arrive à des gens. Enfin, c'est la vie de certaines personnes ce qu'ils expliquent dans la musique. Donc la musique qui est Demain avec Petit Biscuit, mais genre je la kiffe trop cette musique. Genre la musique en elle-même, l'instru, elle est géniale. Oh non, je suis en collège privé moi. Ah bah triste. Je suis le seul ou pas grève en fait. Où il n'y a pas grève, oui. T'es peut-être en collège privé. Oui, t'es le seul. Oui. Bon, on écoute l'extrait, c'est parti. Il manque 12 mots, c'est un peu plus compliqué, mais si vous avez entendu plein de fois, on vous aidera, ne vous inquiétez pas. Allez. Et Oli, tu connais non ? Petit Biscuit ! Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On quoi ? Qu'est-ce qu'on quoi ? Qu'est-ce qu'on veut ? On veut la trompette ! Moi j'aurais pas trouvé. Alors si tu parles pendant la trompette, ils ne t'entendent pas. Désolé, mais je savais pas que t'allais le mettre en fait. J'ai dit, on veut quoi ? On veut la trompette. Alors attendez, je me tourne parce que non, je suis pas. Au lycée en plus, Miskina. Miskina toi, Freeway. Triste. Mais normalement, les profs ne disent pas tant que tu demandes pas. Mais voilà. Donc ouais, et qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces parents ? J'en sais rien, j'ai jamais entendu cette chanson. Mais t'es vraiment bête. Mais Kelly, faut s'ouvrir au monde. Mais moi, j'aurais pas trouvé, Hugo, je te le dis. J'ai jamais écouté, mais je pensais que ça allait être simple pourtant. Mais je sais que c'est dommage. Non, c'est pas dommage, la musique c'est demain. Je sais que c'est dommage, c'est peut-être c'est pas demain, ça. C'est demain la musique, enfin, je pense, s'appelle. Ouais, c'est demain avec Petit Biscuit. Vous êtes que tu sois médecin, mais tu veux être un rappeur. Je suis en train de regarder sur internet, hein. Bon, on va vous le compter quand même. Je te le compte, Béré, il y a on écoute. Toi. Attention, la réponse. Bonne réponse. Merde, j'ai lancé Céline Dion. Je vous ai spoil la chanson d'après. On écoute la bonne réponse. Big Flo et Oli, tu connais non ? Petit Biscuit ! Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, toi, tu veux être un rappeur. J'ai pas réussi à couper le son. Moi j'aurais pas trouvé, mais donc, bon. Donc bah, y'a que Bérénice qui a trouvé. Ouais, du coup ça te fait. Bérénice, dis-nous, franchement, est-ce que tu as triché ? Ouais, dis-le nous, on te le comptera quand même. Ah bah, elle vient de dire, je la connaissais. Bon, elle écoute Énergie beaucoup trop souvent. Elle. On te croit. Mais écoute, continue. Hein. Ouais. Bientôt, ce sera moi qui parlera sur Énergie. Je vous ferai des petites dédicaces, mes petits loulous. D'ici là, bah, on se connaîtra peut-être plus. Attends, je laisse le refrain pour leur faire écouter parce que c'est sympa, la petite musique. Genre, juste pour faire écouter l'instru parce que je l'aime bien. Ouais, médecin, pas médecin. Ouais, elle a écrit mal, mais tant pis. Parce que comme vous trouvez, enfin, vous connaissiez pas tous. Ben voilà. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien. Rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien. Ouais, j'aime bien ma soeur. En gros, ça raconte quelqu'un qui a une vie de merde et qui fait que s'engueuler avec ses parents. Et du coup, ben, ouais, il dit que voilà. Ça ira mieux demain. Mais c'est pas faux, mais putain, ça arrive à plein de monde, ça. Hein. Voilà, notamment s'il y a du harcèlement scolaire, ça peut arriver. Oh là, on fait des petites transitions. On n'a plus d'électricité, on ne peut pas aller sur Internet. Ah oui, c'est vrai que s'ils quittent YouTube, ils ne peuvent pas. Elle est quand même intelligente, la petite, hein. Non, j'imagine que tu veux rester chez moi un peu plus longtemps, du coup, s'il n'y a pas l'électricité chez toi. Pourquoi pas, oui. De toute façon, surtout s'il y a pizza. Je vais pas en manger. Elle va gratter elle va grailler les pizzas. Alors, prochaine chanson qui. On adore Céline Dion avec qui quand. Ça, vraiment. Vraiment, ça, c'est une chanson. Ça, si vous trouvez pas, vous êtes banni de la radio. Voilà, ça, vraiment, c'est notre chanson coup de cœur. Faudra que je mette en public peut-être la playlist Sbazi Radio. J'essaierai de faire en sorte de faire la playlist Sbazi Radio sur Spotify. Spotify. La compagnie de Sbazi Radio, je l'ai renommée moi. Ah, ok, ça va. Pourquoi pas. Bon, l'extrait. C'est Céline Dion pour que tu m'aimes encore. C'est le tout début. Je sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, Sandrine, oui. C'est pour toi. J'ai compris tous les mots. J'avais Merde. Oublié que c'était là que ça coupait. Et est-ce ouais. qu'on n'écouterait pas la trompette, évidemment. Alors, j'ai bien compris les mots. Quelle est la suite? J'ai cru que t'avais dit la bonne réponse. Attends, je me suis figé et j'ai de suite regardé vers l'ordi qui est où il y a le programme. Clairement, il y a les bonnes réponses. Ouais, et j'ai lu et je me suis dit, heureusement, elle a pas pris la bonne réponse. Une spéciale Céline un jour. Mais grave. Mais qu'est-ce que c'est qu'une. On fait une bonne idée. Une liste de spéciale Céline Ariana. La minute Céline Dion. Ah ouais. Il y a quoi à dire. Je sais pas, on trouvera bien. Les plus grands succès de Céline Dion. Comment ça, Sandrine, pas Céline. Je sais pas. Nous, on peut pas venir non plus. De quoi je suis bannie de la radio. On peut pas venir non plus chez nous, d'accord. Bah, okay, j'avais pas compris. Venir non plus. Mais faut appeler mes parents. Hein. Je ne suis pas les autres. Non, c'est pas ça. Sandrine, appelle nos parents, mes parents. Tu leur dis, tu leur demandes, ça vous dit, on se fait pizza. Et ils disent, nous on a déjà prévu, du coup, on va en racheter en plus et vous allez venir d'ailleurs, manger. Ma mère, elle a dit, il faudrait qu'on vous invite à manger. Toi et tes parents. Go faire une raclette. D'accord. Mais ouais. Bon, on remet parce que personne n'a trouvé. Mais là, vous êtes tous bannis si dans la radio. On a une bonne réponse, on écoute la bonne réponse. Ah Thomas, attention. Il a regardé. On écoute la bonne réponse. Merde, je lance tout en même temps, c'est pas les. Attendez, je fais de la merde, c'est non, pas les bons Hugo. Boutons. Mais qu'est-ce qu'il faut. Attendez. J'ai tout lancé. Mais Hugo. Attendez. Mais qu'est-ce qu'il fout. Je. Oh là là. Oh, c'est le carnage, j'ai lancé 5 chansons en même temps. Hugo, faut juste qu'on mette la bonne réponse. On écoute la bonne réponse. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. J'ai bien compris, merci. C'était la bonne réponse, évidemment. Voilà. Tom l'a trouvé, Céline, ma vie, mais t'as totalement raison. Viens, on remet le refrain un peu, Hugo. Attends, on va la laisser avancer parce que je peux pas l'avancer. Je suis en train de la convaincre d'appeler les parents du goût. Ma soeur dit que elle entend le mot pizza là, c'est waouh! mais allez-y. Non, mais ce soir ce sera peut-être pas faisable, mais au pire. Ouais, voilà, c'est pour pire. Ça. Hugo, tu lances des trucs, mais c'est pas faisable. C'est pas ça. Ouais, mais non, on aurait dû y penser avant, putain. Ouais. Faudrait se faire ça un dimanche après notre émission. Ouais, grave. Pendant les vacances, avant le jour de l'an, ça pourrait être sympa. Ouais. On est clairement en train de savoir quand est-ce qu'on va s'inviter, hein. Tout le monde s'en fout. Ouais. Mais j'ai direct trouvé, c'est qu'il y a le décalage. Ouais, il y a le décalage. Non, mais t'inquiète ça pas, va, on sait qu'il y a le décalage, mais on lit dès qu'on a, on voit vos messages arriver. Voilà. Hein, ne vous inquiétez pas. À la spéciale le jour de l'an, je vous jure, on va Kelly la chanter celle-là. Kelly qui se moque qu'on est ponctuel, qu'on n'est pas ponctuel. Non mais écoutez, alors de base on était censé être sur une web radio. On n'est pas sur une web radio, du coup on peut dépasser tant qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut. Parce qu'on aurait été sur la web radio, on n'aurait pas pu parler d'énergie par exemple. Ouais. Donc là on parle de tout ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Écoutez, on termine le week-end bien quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Tu peux pas terminer le week-end sans se baser radio. Ah attends. Ça n'est pas tant donné. Moi je sais pas jouer. Elle connaît pas les paroles. Va falloir réviser tes classiques. Hein. Oui. Pour le spécial jour de l'an. Bon, Thomas, du coup, ça te fait. Elle veut fou. Pas, tant pis, on se fera pizza un autre jour ou raclette, hein, même. Ouais. On s'organisera ça, faudra s'organiser ça. Oui. Voilà, alors, qui c'est qui a eu le point? C'est Tom là, et c'est Bérénice qui l'avait eu juste avant. Ouais, du coup, voilà. T'as Attends, fait 6 points pour Bérénice et 1 point pour Thomas. Je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs. Voilà, attention, c'est le retour de la trompette. J'ai relancé le mauvais. T'as un souci avec tes boutons là. Oui, je ne gère pas, je ne gère pas. Allô. Ouais, mais c'est compliqué là, je peux pas. On remet la trompette. Par contre, la trompette, elle, j'arrive à la mettre. Voilà. Vraiment. Alors, nos extraits. Alors, attendez, je me remets tout bien parce que là, c'est clairement le bazar le total. Hop, extrait, c'est celui-là. À demain, c'est beaucoup plus simple. Sans dire son contexte, c'est très bizarre, je vous l'accorde. Le deuxième extrait, alors, c'est l'anglais, mais c'est fait par des DJ français et qui n'ont pas été récompensés hier, mais qui étaient au Energy Music Awards. Ouais. C'est Offenbach Catchy. C'est plutôt simple, les paroles. Vous l'avez entendu beaucoup trop de fois. Vous allez trouver, attention, extrait. Voilà. Elle commence à parler. Oui, attention, la trompette. Voilà. Alors, c'est quoi le... Je veux que Manu... Je peux vous dire la phrase d'après si vous voulez, c'est... All night long. Ah ouais, oh là là, quel indice. Alors, quelles sont les paroles manquantes de cette chanson? C'est quatre mots. C'est de l'anglais, c'est mort. C'est... Mais non, mais moi j'étais... Ah, Free, ouais, il est pas très bon en J'avoue, anglais. J'ai été chercher sur Google pour vérifier si c'était bien ça les paroles, parce que généralement, les chansons en anglais, je fais du Howard. Hein. Non, mais oui, c'est ça. Parce que voilà, on comprend pas forcément tout le temps. Est-ce que vous avez la bonne réponse? Je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on réécoute l'extrait? On va la remettre, vas-y. Ou pas, on va réécouter l'extrait, attention. Let's go. Attention, est-ce que je vais appuyer sur le bon bouton? Suspense. Yes. La trompette. Ouais. Ah là là, je dites-moi si je suis trop lourd avec cette trompette. Hein. Dites-lui. Je vais vous fredonner l'air de ce qu'ils disent. C'est pas compliqué. D'ailleurs, la chanson s'appelle Catchy. Je sais pas si ça peut vous aider. Non, ça va pas donner trop d'indices. Enfin, si, ça va juste leur donner envie d'aller chercher sur Google. Ouais, on compte pas les fautes d'orthographe parce que moi je sais pas comment les écrire. Tout à l'heure, on a bien pas compté les fautes d'orthographe. Ouais. On est plutôt sympatoche. Voilà. Allez, rechercher sur internet. C'est le moment. Vous savez, on a tout notre temps. Enfin, moi, j'ai tout mon temps. Hein. Ouais. Vous savez, je vais me coucher à 23h parce qu'il faudra que je vous mette le replay. Chez Give Me et je sais plus. Ah Give Me, tu es presque sur la bonne voie. Et la chanson on a s'appelle... Dit, on a dit le dernier mot. On a dit... Non. T'as tout bon. Il te manque juste le dernier mot. Et le dernier mot, c'est le titre. C'est le titre, on l'a on peut dit. Pas, on peut pas faire mieux en indice. Vas-y, je te le mets le point déjà. Yes. On écoute la bonne réponse. Vous l'avez dans le chat. Voilà, attention, Thomas. C'est parti. On Island. Voilà, donc Kelly, je te l'ai compté cette fois. Tu ne m'engueuleras pas en audio. Et petite culture générale, rien que pour vous, Catchy, ça s'écrit K-A-T-C-H-I. Voilà, personne l'a écrit correctement. Ouais, totalement. Ah si, Thomas. Si, Thomas, il a écrit. Bérénice, c'est trop tard, désolé. MDR, je suis copieuse. Oui, bah, voilà. Tu crois on va te compter? Ah, quoique, avec le décalage, si on peut compter. Non, mais MDR, je suis une copieuse, c'est qu'elle a copié. Ah, bah, voilà. On allait te compter, mais tant pis. Mais non, mais moi je savais. Non, mais Béré, c'est la triche, elle a pris la phrase. Bah oui. On l'a pas compté, Bérénice, ne t'inquiète pas. J'ai envie de dire, après le jingle de fin, on mettra la musique qu'on n'a pas mise tout à l'heure. S'ils veulent l'écouter, ils écoutent. S'ils veulent pas, ils l'écoutent pas. Hein, j'ai envie de dire. Bah oui. Voilà, comme ça, nous, on s'ambiance. Voilà, c'était la fin du N'oubliez pas les paroles. On a fini, N'oubliez pas les paroles. Est-ce qu'on se réécouterait pas une dernière fois? D'abord, je suis la petite trompette. Attends, la trompette avant. La trompette pour la fin. cette Tadam. Trompette vraiment elle va me faire voilà. l'année. Voilà, donc ne partez pas tout de suite. Avant de partir, lâchez votre meilleur pouce bleu de tout votre cœur et vous appuyez sur le pouce bleu. Vous et... mettez la cloche pour le prochain live qui est déjà programmé sur la chaîne. Donc vous voilà, met... au lieu de mettre la cloche directement sur la chaîne, vous mettez directement sur les lives qui sont prévus à l'avance. Donc vous pouvez aller sur la chaîne ouais. et vous verrez en premier, normalement, vous avez le prochain live de ce Sbazy Radio. Voilà, comme ça vous ne raterez pas. Et vous pouvez mettre la et faites cloche. Vos devoirs avant. Faites vos devoirs avant Sbazy Radio pour nous écouter à partir de 18h. Suivez-nous sur... Sur Twitter et sur Instagram et sur... Si, ils sont notés de façon de sur ouais. votre écran actuellement. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur Spotify et Google Podcast, c'est gratuit. Vous pouvez avoir les replays parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être sur YouTube à chaque fois. Excusez-nous. J'avais écrit avant mais je vous en veux pas. Bah oui, on a... On t'a compté Thomas. On t'a compté Thomas, on n'a jamais dit le contraire. Ah non, attends, hein. redescends. Oui mais je m'en fous. Déjà laissez le pouce bleu. Ouais. Ça ah mais attendez, plaisir. On a même pas été vérifié combien on avait. Ouais, on va voir combien on devrait avoir honte voilà. clairement. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne pour suivre tous les prochains lives et faites comme voilà. Hugo a dit. Et donc abonnez-vous sur l'Insta et tout ça, on met des petits sondages de temps en temps. Voilà, oui, sur l'Insta, être... on le dit quand il y a une émission, si jamais genre vous êtes sur Insta à ce moment-là, vous verrez. Vous pouvez proposer les thèmes de discussion. Bon là, on a fait un peu de tout parce qu'on avait plein de trucs à dire hein, mais sinon voilà, vous pourrez proposer le thème de l'émission, on a parlé ouais. que Sandrine avait proposé 100 ans d'armistice et Kelly une émission complète sur Ariana Grande, ce qui n'arrivera jamais, mais vraiment oh. jamais. Excusez-moi. Peut-être quand je pense que vous peut-être... avez. Attends, pour ton anniversaire, c'est quand ton anniversaire? C'est le 18 décembre. Ah, ce sera le 16, mais c'est une émission spéciale. Enfin, la dernière. Ah merde, avant, j'ai cru que c'était. Non, décembre. Ça c'est 18 novembre. Ah, j'aurais bien voulu que ça tombe le jour d'une émission. Ah mince. C'est con, on aurait pu faire des surprises et tout. Mais non, oh. Non, mais on fera peut-être une émission spéciale pour ton anniversaire. Oui. Un peu plus d'Ariana, une chanson d'Ariana à chaque fois. Ouais, quand je merci pense que vous inquiétez j'aime. Sur quoi vous alliez parler alors que vous finissez en retard totalement. Je ouais, crois non, que... mais finalement, en fait, c'est parce qu'on n'avait pas de thème précis, finalement, on est parti, on fait un peu tout. Hein. Voilà, clairement. Freeway qui dit, je crois que faire mes devoirs en même temps que de vous écouter, c'est devenu une habitude. Ah oui, mais après, bah, quand tu participes en même temps, nous, ça nous va. Oui, ça nous va, si vous ça participez. Nous va. Ça nous va, c'est une bonne excuse. Totalement. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah voilà, à part nous suivre partout. Une spéciale Céline, c'est mieux dit. On verra ça. Peut-être pour... on verra. Pour la dernière des émissions qui sera certainement fin juin avant les vacances. Ouais. Je sens qu'on va faire 2 heures. Oui. Même 3. On se chauffe, on fera 24 heures. Oui, bien sûr. Non, 24 oui. heures, c'est impossible parce que j'aurai pas assez de 4G. Mais même moi, je devrais dormir et manger et tout. Comment tu comprends ça, Europe? Mais tu restes 24 heures, on reste là. On fait... Et il y a bien des gens, ils font des lives 24 heures. En vrai, ça pourrait être grave cool de faire un défi comme ça, mais bon, je suis pas chaud. Mais forcément, faudra le faire après le bac. On trouve toujours un truc de quoi parler, à un moment donné on sera épuisé. Ouais, même on a pas assez d'auditeurs pour faire ça. Non, vraiment. Non, mais on fera peut-être 1 heure de plus. Juste Hugo, ça, elle s'appelle comment la fille à côté de toi? Je m'appelle c'est Esther. Esther, c'est Esther, dans la description normalement. Oui, c'est dans la description, je m'appelle c'est Esther. C'est ma co-animatrice. Oui, voilà. Elle s'appelle Esther. Donc voilà, on a fini, on espère que ça vous a plu cette émission. Voilà. On se retrouve, il y a Bastien qui et qui s'ambiance sur la musique avec la trompette. On la remet, attention, c'est parti. Yes. Elle ambiance beaucoup trop. Voilà. Voilà, bref, on s'est bien amusé. J'espère que vous aussi, qu'on vous a fait passer du bon temps. Voilà, et on se retrouve forcément dimanche prochain. Voilà. Ce sera le même jour, totalement. Même heure et même sentiment. C'est quoi ça? De joie. À la semaine prochaine. Bisous. Sbazy Radio de retour dimanche prochain à 18h sur hashtag.